parti, je menace tous tes gars. Personne sait qui j'arrive et tu t'écales. Bouge pas, je t'allume pas sur le CLM. Je rentre le sol salut, j'ai trois fois ton salaire. Je suis le top 3 du rap game, ouais. Je fais que du sale, ils font permis. J'attends encore un peu où je les termine. Allergique au mytho quand tu parles des termes. Mon kilo, il faut speed sur le bloc et ralentir. Personne t'écoute quand tu l'ouvres. A zéro en prison, il est tranquille. 1-0, j'suis le leader, pas des le RK. J'suis dans la zone, je zone. T'es max, t'as tes sous les Air Max. J'parole la nuit dans la zone. T'es max, ça sent 30 à se les photos. J'parole la nuit dans la zone. T'es max, ça sent 30 à se les. J'suis mon 3K, j'suis mon bloc. J'parole la nuit dans la zone. J'suis mon 3K, j'suis mon bloc. J'parole la nuit dans la zone. Je rentre, je te rabats, je pense. Il pleut des balles fortes, ça c'est nous qui se la prend. C'était sur le 4 temps, je roule en 4 feuilles. Je vais faire 4 meufs, je vais chercher ton smartphone. Tu connais quoi de ma vie? Bah ouais, si on descend, on peut se monter en l'air. Mais tu connais quoi de ma vie? Bah ouais, sur le pas si c'est pour tirer en l'air. Et puis solo, je fais le vide, ça ne fait la note. Je remets ça dans le bali, je passe à côté ma vie. Assis sur un rocher, derrière, écoute, j'ai ma nouvelle chemise et je dis les gros, je suis dans.